Règle cinquième. Toute la méthode consiste dans l'ordre et dans la disposition des objets, sur lesquels l'esprit doit tourner ses efforts pour arriver à quelque vérité. Pour la suivre, il faut ramener graduellement les propositions embarrassées et obscures à de plus simples, et ensuite partir de l'intuition de ces dernières pour arriver par les mêmes degrés à la connaissance des autres. C'est en ce seul point que consiste la perfection de la méthode. Et cette règle doit être gardée par celui qui veut entrer dans la science, aussi fidèlement que le fil de Thésée, par celui qui voudrait pénétrer dans le labyrinthe. Mais beaucoup de gens, ou ne réfléchissent pas à ce qu'elle enseigne, ou l'ignorent complètement, ou présument qu'ils n'en ont pas besoin, et souvent ils examinent les questions les plus difficiles avec si peu d'ordre qu'ils ressemblent à celui qui d'un saut voudrait atteindre le faîte d'un édifice élevé, soit en négligeant les degrés qui y conduisent, soit en ne s'apercevant pas qu'ils existent. Ainsi font tous les astrologues, qui, sans connaître la nature des astres, sans même en avoir soigneusement observé les mouvements, espèrent pouvoir en déterminer les effets. Ainsi font beaucoup de gens, qui étudient la mécanique sans savoir la physique, et fabriquent au hasard de nouveaux moteurs. Et la plupart des philosophes, qui négligeant l'expérience, croient que la vérité sortira de leur cerveau, comme Minerve du front de Jupiter. Or c'est contre cette règle qu'ils pêchent tous, mais parce que l'ordre qu'on exige ici est assez obscur et assez embarrassé pour que tous ne puissent reconnaître quel qu'il est. Il est à craindre qu'en voulant le suivre, on ne s'égare, à moins qu'on observe soigneusement ce qui sera exposé dans la règle suivante.